c'est gratuit. Shoot, mon daron, shoot, shoot, mon daron, vas-y, shoot, mon daron, vas-y, shoot, shoot, vas-y, shoot, mon daron, shoot, shoot, mon daron, vas-y, shoot, mon daron, shoot, shoot, mon daron, c'est gratuit. Shoot, mon daron, shoot, shoot, mon daron, vas-y, shoot, mon daron, vas-y, shoot, shoot. Si tu le crois sous un pot, vas-y kill mon daron. Si tu le crois ce vieux con, vas-y kick mon daron. Recouvre-le de marron, de marron. Fais la queue en reçoit. Si je l'invite, y'a baston. Éclate-lui les bonbons comme un ado, ses boutons. Avec précision, c'est bon, c'est mon daron. T'as l'autorisation pour une bête d'autopsie. Béton, tranche-lui la bite à coups de scie. Pète-lui aussi le coccyx comme mes oreilles quand coccyx. Mais à chanter 5 ou 6 secondes, des absurdités immondes. Un peu, comme mon géniteur. Et je n'en ai aucun gêne, pour lui je n'ai ni tête ni cœur. Des joies, des pleurs, je ne déplore pas ma vie. Mais cette bête toute vite, j'appelais papa petit. M'a finalement appris ce qu'il faut que je fuis. Et ce malgré lui, c'est pour ça que je dis: shoot mon daron, shoot, shoot mon daron, vas-y, shoot mon daron, shoot, shoot mon daron, c'est gratuit. Shoot mon daron, shoot, shoot mon daron, vas-y, shoot mon daron, vas-y, shoot, shoot, vas-y, shoot mon daron, shoot mon daron, vas-y, shoot mon daron, shoot mon daron, c'est gratuit. Shoot mon daron, shoot mon daron, vas-y, shoot mon daron, vas-y, shoot. Il ne m'a rien appris, la vie n'a rien compris. Ne m'a vu par profit comme une niasse de fric. Pas d'appât sur le beat, je le pince, je le kick. Vas-y mon style imite, vas-y au style au pic. Vas-y même à coup de trique, de briques, de débris vert. Son compte débiteur dans ma banque de Twitter. Verbalisation suivie d'une pulvérisation. Quand je vais bien que j'ai plein de négations, je pense à lui et j'ai ma ration. Manger ma narration, je lui ferai par le fion. Car au fond, il sentira peut-être comment je m'enflamme à fond. Des cons, parle, parle, de cons, pas. Pardon, shoot, vas-y. T'es resté dans ton coin, t'as testé, t'étais bien. En fait, on n'a pas de lien et je trouve ça bien. J'aimerais que tu sois loin pour ne plus te croiser et risquer à chaque pas de voir me maîtriser. Shoot mon daron, shoot mon daron, vas-y. Shoot mon daron, shoot mon daron, c'est gratuit. Shoot mon daron, shoot mon daron, vas-y. Shoot mon daron, vas-y. Shoot, shoot, vas-y. Shoot mon daron, shoot mon daron, vas-y. Shoot mon daron, shoot mon daron, c'est gratuit. Shoot mon daron. Tu me prenais pour un gentil garçon. Mais dans mon verre de Dillon, il n'y a aucun glaçon. Comme dans mes verres sur mon père, où j'enterre ce daron qui en fait n'est qu'une mère. Qui me rend à fond amer. Qui me rend à fond love de ma mère. Qui toute façon a foutu la galère dans la tête de ma soeur, de mes frères, de moi et de ma mère. Que cette trace se perd. Rien à foutre, foutre, je trace ma route. Depuis mes 12 ans, j'ai vaincu les 12 ans. Reste en droit en suivant le chemin que je vois. Qui n'est pas tout droit, mais devant moi. Et c'est ça qui m'ôte les doutes. Ne fais pas mon dos une voûte qui me permet de comprendre les douleurs, de comprendre les gens qui pour moi comptent. Quand ils viennent me rendre une visite et me rendent leurs blessures profondes. Mon daron, shoot, mon daron, vas-y, shoot, mon daron, shoot, mon daron, c'est gratuit. Shoot, mon daron, shoot, mon daron, vas-y, shoot, mon daron, vas-y, shoot, shoot, vas-y. Vas-y.